Quel dommage que je ne puisse vous voir ni vous entendre. Cela m'aiderait pour le contact. En premier lieu, c'est vrai, c'est Dieu qui doit être l'inspirateur du prédicateur. Toutefois, dans une certaine mesure, c'est l'auditoire qui l'inspire. Et quand on ne le voit pas, eh bien, j'essaie d'imaginer mon auditoire d'aujourd'hui, de tous âges, à des endroits si divers, écoutant par coïncidence ou régulièrement, Walkman à la ceinture, ou assis dans votre fauteuil, ou encore conduisant votre voiture. Vous avez la possibilité d'arrêter l'écoute à n'importe quel moment, ce que vous ne ferez pas, je l'espère du moins. C'est aussi en conduisant ma voiture qu'un jour, écoutant les informations, j'apprends qu'un congrès vient de se dérouler afin de trouver une solution pour les enfants surdoués. Eh oui, on s'est réunis pour se pencher sur le problème de pauvres enfants et étudiants qui devaient subir l'ennuyeux enseignement pour des normaux. Surdoués. Mes parents avaient beaucoup de problèmes avec moi, mais celui-là, je le leur ai épargné. Mais me direz-vous, qu'est-ce que cette question du quotient intellectuel a à voir avec le sujet annoncé, l'apprentissage des disciples? Attendez, le mot traduit par « disciple » pourrait aussi l'être par « élève ». Un disciple de Jésus-Christ est donc son élève. Les quatre évangiles qui nous montrent la personne de Jésus-Christ consacrent aussi un grand soin à nous décrire la formation de ses élèves qui, plus tard, seraient appelés à bouleverser le monde. Or, les disciples qui entouraient Jésus il y a 2000 ans n'étaient pas spécialement doués ni rapides dans l'apprentissage. Dans certains domaines, même de la vie de chaque jour, ses disciples avaient de la peine à suivre. Quand le Seigneur parlait avec une femme de Samarie, ils étaient fort étonnés. Il est vrai que selon certains enseignements rabbiniques, un homme ne devait pas parler avec une femme dans la rue, même pas avec sa propre femme. Ceci pas seulement à cause du « qu'en dira-t-on », mais à cause du peu d'importance qu'on donnait à la femme dans la société judaïque de ce temps-là. Voyez aussi leur étonnement quand le Seigneur explique les conditions du mariage selon Dieu. Ils répondent avec franchise : si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et les enfants ? Aucune compréhension à leur égard. Ils ne pouvaient admettre que Jésus puisse être dérangé par des marmots. Voilà pour le domaine social, humain. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques exemples de la lourdeur dans l'apprentissage spirituel des disciples. Le Seigneur enseigne la merveilleuse parabole du semeur et des quatre terrains sur lesquels la semence était tombée. Le long du chemin, mangé par les oiseaux, dans un endroit pierreux où elle n'a pas trouvé un sol profond, et quand le soleil a paru, elle a été brûlée et a séché faute racine. Puis, parmi les épines, et les épines l'ont étouffée. Mais une autre partie est tombée dans la bonne terre, où elle a donné du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Merveilleux enseignement. Et néanmoins le Seigneur s'étonne et dit: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Précédemment, nous avons montré la faiblesse des disciples qui ne faisaient que mettre en relief la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, nous constatons la lenteur des disciples dans leur apprentissage, ce qui nous met dans l'admiration sur la patience du Seigneur. Oui, le Seigneur est patient avec vous et avec moi. Il y en a à qui il faut beaucoup de temps, d'abord pour apprendre l'ABC de la grâce de Dieu. Peut-être se croit-il intelligent, connaisseur en religion, mais un voile est sur leur esprit. Il y en a qui ont mis des années pour arriver à comprendre la grâce de Dieu. D'autres en ont été saisis subitement. Il en est de même par la suite. Parmi ceux qui se sont reconnus pécheurs et ont répondu à l'appel du Maître qui leur disait « Suis-moi », il y en a qui ont progressé rapidement, tandis que d'autres, qui devraient être des maîtres, ont encore besoin qu'on leur enseigne les principes élémentaires. Quel bonheur d'avoir un maître comme celui dont l'apôtre Paul nous dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est à la lumière de cette parole que je désire voir encore deux exemples. Après la deuxième multiplication des pains, Jésus et ses disciples traversent une fois de plus la mer de Galilée. Pendant la traversée, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Il s'agissait clairement d'un avertissement contre un danger. Le levain, qui fait lever toute la pâte, est une figure d'une influence subtile, au début presque imperceptible, mais dont les effets ne se font pas attendre. Donc, les disciples devaient se garder d'un danger provenant des chefs religieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont cru que Jésus parlait du manque de pain. Alors Jésus doit les reprendre. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci et n'avez-vous point de mémoire? Jésus venu de nourrir 4000 hommes, est-ce que le manque de pain pouvait lui créer un problème? Nous sommes tout de même réconfortés en lisant. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Encore un dernier point où nous voyons le manque de compréhension de la part des disciples. Il s'agit du but de la venue du Seigneur qui consistait à donner sa vie en rançon pour des pécheurs. À diverses reprises, le Seigneur annonçait sa mort expiatoire et sa résurrection. La première fois, Pierre s'est mis à le reprendre. La deuxième fois, nous lisons que les disciples n'ont pas compris. Quand, pour la troisième fois, il leur parle de ce même sujet, il nous est dit que c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Mes chers auditeurs, si une chose était nécessaire, voire indispensable à ces futurs apôtres, c'était de savoir que le Fils de l'homme est venu au monde pour que le monde soit sauvé par lui. Ils ne le comprenaient pas au moment où le Seigneur le leur annonçait, mais ils l'ont compris plus tard. Jugez-en vous-même par ces paroles de Pierre, prononcées après la guérison d'un boiteux. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. L'avez-vous compris ou est-ce encore un langage caché pour vous? Cet enseignement était l'essence même du message de Jésus-Christ. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il y a longtemps, j'ai assisté à une réunion pour des jeunes donnée par des jeunes. Ayant été élevé dans une église chrétienne, je n'étais pas ignorant des choses de Dieu, mais je marchais d'après ma propre volonté, je faisais ce que je voulais et ce qui me plaisait. Je ne me souviens, pour ainsi dire, de rien de cette soirée, sauf du chant exécuté par un quatuor masculin. « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oui, c'est le sang de Christ qui ôte le péché. le mien, le vôtre. Comprendre cela, c'est le secret. Le secret pour devenir disciple aujourd'hui et le secret pour faire des disciples. Ce dont le monde a besoin, c'est de cet évangile qui prêche Jésus-Christ et lui crucifié. Il veut commencer l'œuvre, il veut la poursuivre et il veut l'achever. Voulez-vous le laisser faire ?